بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبدأ بحول الله جل وعلا سائلين الله المولى الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ونواصل قراءتنا في القواعد المثلى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد. Donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, sur la continuité de notre lecture et étude du livre « Les règles exemplaires concernant les attributs d'Allah et ses noms sublimes ». Et donc on est toujours sur l'étude du chapitre concernant les règles relatives aux textes, aux preuves liées aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, l'auteur, dans son livre, a évoqué des règles concernant les noms divins, les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a appris dans un deuxième fasl des règles concernant les attributs. Ensuite, l'auteur a mentionné des règles dans un troisième fasl, si on peut l'appeler ainsi, des règles concernant les textes, concernant an-nusus al-adillah. Concernant les preuves. Donc on va continuer. Et dans la dernière assise, dans l'assise d'hier, on s'est arrêté lorsque l'auteur dit dans sa parole « ثُمَّ إِنَّ مِنْ أَهْلِ التَّعْطِيلِ مَنْ تَرَدَ قَاعِدَتَهُ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ » Donc on était arrivé à ce passage. Après que l'auteur est mentionné des implications dans la conception des partisans de la doctrine de la négation concernant leur négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait évoqué justement les implications de la doctrine de la négation, ce qui prouvait la nullité de leur conception et de leur méthodologie concernant leur approche des textes liés aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur a argumenté et mis cela en exergue à travers différents points, qu'on a étudiés dans les assises précédentes. Donc j'espère que vous vous rappelez bien de ces points, Inch'Allah, il faut les réviser. Ensuite l'auteur, après qu'il ait énuméré ces points, et mis en exergue la nullité de la méthodologie des partisans de la négation des attributs divins, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que les applications de celles-ci sont fausses, et justement l'auteur a mis cela en avant et clarifié cela dans les points qui ont précédé. Ensuite, c'est là que l'auteur dit, et nous justement on est arrivé à ce passage du livre lorsqu'il dit ثُمَّ إِنَّ مِنْ أَهْلِ التَّعْطِيلِ مَنْ تَرَدَ قَاعِدَتَهُ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ أَوْ تَعَدَّى إِلَى الْأَسْمَاءِ أَيْضًا وَمِنْهُمْ مَنْ تَنَاقَضَ فَأَثْبَتَ بَعْضُ الصِّفَاتِ دُونَ بَعْضُ كَالْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمَتُرِدِيَّةِ ثُمَّ قَالَ أَثْبَتُوا مَا أَثْبَتُوا بِحُجَّةِ أَنَّ الْعَقْلَ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَنَفَوْا مَا نَفَوْا بِحُجَّةِ أَنَّ الْعَقْلَ ينفيه أو لا يدل عليه فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي مثال ذلك قال أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها وأما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الرحم ورقة للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى على حسب زعمهم وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو الإرادة أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام فنقول لهم On va s'arrêter là sur l'arabe, sur le texte en arabe et on traduira ensuite. On va déjà détailler ce que je viens de lire de l'œuvre et du texte de l'auteur. Ensuite, on reprendra lorsqu'il dit « Fanaqulu lahum ». Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, ce que je viens de lire, donc j'ai avancé un peu dans l'écrit et la parole de l'auteur, là, il mentionne l'ambiguïté. Ensuite, il répond. Il va répondre à l'ambiguïté en disant « Fanaqulu lahum ». Nous répondons. Et donc, dans un premier temps, l'auteur dit, donc d'une manière générale, il dit en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, comme on l'a pris, il dit d'une manière générale, donc, dans... Bon là, c'est moi qui l'explique. On explique un peu la parole du cher pour qu'on puisse comprendre et bien comprendre le contexte. Comme on a bien expliqué d'une manière historique, déjà dans les premières générations, lorsque le débat émergea dans les sociétés musulmanes, ce débat-là concernant les noms et les attributs, il y a eu la naissance de courants de pensée, ce qu'on pourrait appeler de doctrine, de courants de pensée. Comme on l'a dit dans les assises précédentes, certains, d'une manière générale, et l'auteur ensuite va l'expliquer dans son commentaire, mais moi je vous le fais très... de manière succincte, rapidement, pour qu'on puisse avancer. Très tôt, donc déjà lorsqu'a eu ce débat-là sur les noms divins et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors sont apparus des courants de pensée, déjà dans les premières générations. Des courants de pensée qui, eux, n'ont pas accepté ni les noms, comme on l'avait déjà détaillé cela, ni les attributs du Créateur, et ont réfuté cela. De là, les grands savants, déjà dans les premières générations, les ont nommés les négateurs. Lorsqu'on dit le courant de la négation, en arabe on les appelle Ahl al-Ta'til, les partisans de la négation, c'est-à-dire partisans de la négation des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc très tôt, ils ont été considérés comme négateurs. Négateurs des noms et des attributs d'Allah. Sauf qu'ensuite, les négateurs ensuite se sont subdivisés en différentes catégories. Et l'auteur justement va faire allusion à ça. Se sont divisés ensuite. Parmi les premiers qui ont apparu, comme on l'a dit, ceux qui ont nié catégoriquement les noms et les attributs, on a dit, ils ont été nommés ensuite le courant de Al-Jahmiyyah, comme on avait appris précédemment. Al-Jahmiyyah. Dans les premières générations, déjà on avait dit partisan d'un homme qui s'appelait Safwan, Jahm ibn Safwan. Et en réalité, lui-même était disciple d'un homme qui s'appelait Jahd ibn Dirham. On avait dit qu'en fait, c'était Jahd ibn Dirham qui était venu avec ces conceptions-là et ces convictions-là qui ont été reprises par cet homme, Jahm ibn Safwan, déjà très tôt, dans les premières générations. Eux, d'une manière générale, leur courant réfute aussi bien les noms et les attributs. Plus tard viendront d'autres qui vont nier, vont faire partie des partisans de la négation, mais eux accepteront les noms et nieront les attributs. Donc ils accepteront les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala en niant les attributs. Et plus tard encore, viendront ceux qui diront « On accepte les noms, on accepte les attributs, mais une part d'attributs. » Ils acceptent une partie des attributs et rejettent une autre partie d'attributs et on s'est arrêté là. On s'est arrêté là. Et là, l'auteur, justement, va nous expliquer le fait d'accepter une partie d'attribut et de rejeter une autre partie d'attribut. Il dit, donc ceux qui ont adhéré à cette méthodologie-là et cette conception-là, فَنَقَلَا, il dit, ils ont affirmé une certaine catégorie d'attributs et ils ont nié une autre catégorie. Leur argument dans cela était lié au fait qu'eux, ils prétendaient qu'une partie d'attributs, leur raison, peut les concevoir, tandis qu'une autre partie d'attributs, leur raison ne peut pas concevoir cela. C'est-à-dire que pour eux, ils acceptent une partie d'attributs d'Allah Azza wa Jal, parce que leur raison à eux peut concevoir cela. Par contre, une autre partie d'attributs du Créateur, ce que leur raison ne peut pas concevoir, alors cela, ils ne l'acceptent pas. Et c'est ce point-là que l'auteur du livre va débattre. À savoir que si vous revenez dans certains livres, vous allez voir que ce débat-là a déjà eu lieu il y a très tôt de cela, c'est-à-dire il y a très longtemps de cela. Vous retrouvez des livres anciens, datant de siècles, où déjà il y a ce débat. Pourquoi ? Parce que ce débat, comme on l'a dit, était propagé dans la société musulmane. C'est pour ça qu'il est très intéressant de comprendre cela. C'est pour ça, concentrez-vous bien sur l'étude de ce livre. Vous savez, c'est une ni'ma, c'est vraiment un bienfait d'Allah Azza wa Jal, qu'on peut avoir accès à de tels livres et pouvoir les étudier. Pourquoi ? Parce que beaucoup, pour étudier ces livres-là, sont obligés de voyager. Aller à l'encontre de savants, aller s'inscrire dans des écoles, dans des centres religieux pour apprendre ces livres-là. Pourquoi ? Parce que ces livres-là sont enseignés par les savants. Donc on peut les apprendre auprès de grands savants. À savoir que les savants, ça, ils enseignent ça aux étudiants. Comme on a dit, ça, c'est des livres qui s'adressent à des étudiants en science. Pas forcément à toute la masse. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait comprendre vraiment en détail tout ce qu'on est en train d'apprendre. Et donc ça, c'est vraiment, ça s'adresse à des étudiants. Bien sûr, ensuite, les gens de la masse leur enseignent, mais d'une manière très simple, sans rentrer vraiment dans les détails, pour qu'ils puissent comprendre. Comme il est rapporté du compagnon Ali ibn Abi Talib, dans une célèbre parole qui disait « Hadith al-Nas bima ya'rifoun » Enseigne aux gens, raconte aux gens ce qu'ils peuvent comprendre. C'est pour cela que l'enseignant, ou celui qui fait un rappel, ou celui qui prêche, il doit s'adapter au uqul, au niveau des gens qu'il y a en face de lui. Et ce qui nous prouve cela, c'est que le prophète, lorsqu'il a envoyé le célèbre compagnon Mu'adh ibn Jabal, et le prophète aimait ce compagnon, Mu'adh ibn Jabal, il aimait tellement qu'un jour le prophète a pris son compagnon Mu'adh et lui a dit « Certes, je t'aime pour Allah, il y a Mu'adh ». Alors imaginez-vous ce compagnon Mu'adh, le prophète l'aimait. Et donc les grands théologiens, les savants musulmans, ils ont déduit de ce hadith que lorsqu'on aime une personne, on peut lui dire. Il faut même lui dire, puisque le prophète le disait. Et donc le prophète un jour s'adresse à son compagnon et dit « Ya Mu'adh, inni la uhibbuk, certes je t'aime pour Allah ». Et c'est ce même compagnon que le prophète va envoyer dans la terre du Yémen pour qu'il prêche, pour qu'il appelle les gens du Yémen à la bonne parole, au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Mais le prophète, avant de l'envoyer, pour leur enseigner à ces gens à l'époque, il dit à Mu'adh, il stipule bien, « Ya Mu'adh, innaka » Il lui dit, « Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, falyakoun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah » Il dit, « Oh Mu'adh, tu vas aller vers un peuple des gens du livre. Et la première chose à laquelle tu les appelles sera la parole « La ilaha illallah ». Et donc ce hadith est immense, pourquoi ? Parce que les savants ont déduit de cela, ont mis en avant que le prophète a bien stipulé à Mu'adh, tu vas aller vers un peuple des gens du livre. Donc il lui dit vers qui il va et qui seront les prêchés, c'est-à-dire à qui tu vas prêcher. Et ça c'est très important. Et la première chose que le prophète lui a enjoint de prêcher et d'enseigner, c'est la parole « La ilaha » illallah, la chose la plus importante. Al-Muhim, fahadith al-Nas, bima ya'rifoun. Enseigne aux gens ce qu'ils peuvent comprendre. Et donc, ce livre-là est très important, et ce livre-là, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, on peut l'apprendre, on peut lire, et on peut comprendre ce sujet immensément important qui a fait déjà débat dans les premières générations. Après les premières génération jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est intéressant et très important et un devoir et une obligation pour le musulman de bien comprendre ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que de là va l'importance ici. De là va notre connaissance de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la chose la plus chère pour nous de connaître notre Créateur, celui pour qui on se prosterne chaque jour, celui qu'on adore, celui qu'on invoque, celui qu'on implore, celui dont on demande l'absolution de nos fautes et de nos péchés. Alors le croyant doit le connaître, qui est son Seigneur, qui est son Créateur. Et Allah nous a informé à son sujet dans le Coran. Il nous a dit qu'il est le miséricordieux, qu'il est le grand pardonneur, qu'il est celui qui s'est élevé au-dessus de son trône, qu'il est au-dessus de sa création. Et donc, Allah nous informe à son sujet. Très tôt, comme on l'a dit, des gens de notre nation, des musulmans, des courants qui ont dévié des enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont nié ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même. D'où l'importance du sujet. On nie, en fait, ce que Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même. Et là, vous allez mieux comprendre dans ce qui va suivre. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est le tout miséricordieux. Allah nous dit qu'il est le grand pardonneur. C'est des informations qu'Allah nous donne à son sujet. Allah nous dit qu'il est élevé au-dessus de son trône. Donc Allah, il nous fait part, il nous enseigne de son attribut qu'on appelle Sifatul Ulu, de son attribut de l'élévation. De l'élévation. Donc Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Allah est au-dessus de tout. Allah nous a informé de cela. L'auteur, regardez ce qu'il dit. Il dit d'une manière plus précise. Donc, pour revenir au sujet, les partisans de la négation, il y a différentes catégories. Il y a différentes catégories de partisans de la négation. Ceux qui ont adhéré à la doctrine de la négation. Ceux qui ont tout nié, totalement. Aussi bien les noms, aussi bien les attributs. Ceux qui ont nié les attributs, sans les noms. Ceux qui ont nié une partie d'attributs et ont affirmé une autre partie. L'auteur va justement débattre de cette conviction-là. Et là, il va nous donner un exemple. Il va dire donc en fait, ceux qui ont affirmé une partie d'attributs et ont nié une autre partie, pourquoi ils en sont arrivés là ? Parce que pour eux, ce qui fait office de référence, c'est leur raison. C'est la raison. Or, nous, on a appris que dans le domaine des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, ce qui fait office de référence, c'est les textes. Parce qu'il y a des choses que notre raison ne peut pas concevoir, notre raison est limitée. Et la description du Créateur fait partie de la science de l'inconnu. On n'aurait pas pu savoir des choses sur le Créateur si le Créateur nous avait pas informé de cela. Glorifié, exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la règle chez les partisans de la sunna du prophète, sallam, depuis les premières générations jusqu'à aujourd'hui, c'est on affirme ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même et on nie ce qu'Allah azza wa jal a nié pour lui-même, tout simplement. Sauf que l'auteur va nous dire, si on affirme une partie d'attributs, pourquoi ne pas affirmer tous les autres attributs ? Et là, regardez, il va nous donner exemple. La doctrine, le courant de pensée de ceux qui affirment une partie d'attributs, ont renié d'autres. Et on a dit, par exemple, Al-Ash'ari. Al-Ash'ari, ensuite, se sont divisés. Entre ceux qui ont affirmé 13 attributs, il y a une école parmi eux qui affirme 13 attributs, et d'autres parmi eux qui affirment 7 attributs, parmi les choses qui sont évoquées de leur tendance. À titre d'exemple, maintenant, l'auteur va nous donner exemple. Exemple d'affirmation d'attributs et de négation en même temps d'une autre part d'attributs. Il dit par exemple, ils ont affirmé par exemple l'attribut de la volonté, mais on niait l'attribut de la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, par exemple, chez les adeptes et les partisans de ce courant, pour eux par exemple, vous allez retrouver dans leurs livres, dans leurs écrits, dans leur prise de parole, par exemple, parmi les attributs qu'ils acceptent d'affirmer pour Allah Azza wa Jal, l'attribut de la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils acceptent de dire qu'Allah veut. De dire qu'Allah veut. Est-ce qu'on peut affirmer cet attribut ? Naam, de nombreuses preuves dans le Coran nous montre, nous indique qu'Allah détient l'attribut de la volonté. Allah nous dit dans un verset, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ. Et vous ne sauriez vouloir sans qu'Allah le veuille. Une traduction relative du sens du verset. Vous ne sauriez vouloir sans qu'Allah le veuille. Donc rien ne se passe dans le royaume d'Allah Azza wa Jal sans sa volonté. Sa volonté précède tout. Subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas nier la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la volonté d'Allah Azza wa Jal, ça prouve la perfection. C'est un attribut de perfection. Pourquoi ? Parce que tous les attributs d'Allah Azza wa Jal sont des attributs de perfection. Donc, on ne peut pas dire qu'Allah ne veut pas. Donc, ce courant, par exemple, eux ont affirmé la volonté. Ils ont dit, l'attribut de la volonté, on l'affirme. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, pourquoi ? Pourquoi celui-ci l'ont affirmé ? Pourquoi celui-ci l'ont affirmé ? Parce que ? Ah non, au contraire. Pourquoi, par exemple, eux, l'attribut de la volonté, ils l'acceptent ? Non, c'est juste ce que dit juste avant l'auteur. Pourquoi il y a des attributs, ils les acceptent, et des attributs, ils les rejettent ? Ils se réfèrent à quoi ? Arsène, très bien. Parce qu'ils se réfèrent à leur raison. Par exemple, leur raison, leur conception des choses, accepte l'attribut de la volonté. Par contre, Ar-Rahma, à titre d'exemple, l'attribut de la miséricorde, ça non. Ils ne l'affirment pas. Ils rejettent l'attribut de la miséricorde. Pourquoi ? Parce que l'auteur va nous dire. Il nous dit, ils ont affirmé l'attribut de la volonté, l'idalalat as-sam'i wal-aql, alayha. Pourquoi ce sujet est très important ? Parce que le musulman, il est en quête de savoir, de connaissance. Le musulman, il aime qu'on lui parle d'Allah et de son messager. Donc le musulman, plus il apprend sa religion, plus il va parfaire sa pratique de sa religion. Plus on est démuni de savoir, moins on a de connaissance de notre religion, plus on est vulnérable. Et Shaitan peut nous mener, vous avez vu, comme une plume, le vent l'emporte. Donc Shaitan peut jouer avec nous, on n'a pas de savoir. Or, Shaitan, sa ruse parfois est subtile. Il ruse, il ne cesse de ruser avec les êtres humains. Et parfois sa ruse, elle est subtile, pourquoi ? Parce que le prophète nous enseigne que Shaitan va même t'ouvrir des portes de bien, te faire montrer des portes de bien. Et même te suggérer et te souffler le bien, de faire du bien. Et peut t'en ouvrir 99 portes comme ça de bien. Attention, pour que la centième, il va te faire tomber, il va s'efforcer de te faire tomber dans le mal. Donc, c'est pour cela que l'être humain a plus forte, le musulman, parce que sur le musulman, il va l'assaillir. Il va pas lâcher le musulman. Il va l'assaillir. Pourquoi ? Parce que s'il voit qu'une personne commence à cheminer sur le chemin de l'adoration du Créateur, il va essayer, s'efforcer de le faire dévier. Comme il nous est dit dans un verset, dans Sourate Al-A'raf, Shaitan dit, je vais les assaillir de par devant, de par derrière, de par la droite, de par la gauche. Et il dit au Créateur, et tu trouveras très peu d'entre eux reconnaissants. Donc il va assaillir par devant, par derrière, par la droite, par la gauche. Il va assaillir la personne. Pourquoi ? Il est dit dans le même verset, il dit, je vais leur obstruer le droit chemin. De sorte que dans l'explication du verset, certains grands savants musulmans ont dit, c'est-à-dire il va obstruer le droit chemin de la personne, c'est-à-dire que celui qui voudrait cheminer sur le droit chemin, il va obstruer ce chemin pour pas qu'il y chemine. Et celui qui est sur le droit chemin déjà, qui chemine sur le droit chemin, il va essayer de le faire dévier. Il va assaillir l'individu. Et donc, pour cela, celui qui a de la connaissance, il verra la ruse d'Iblis. Il verra. Et donc, Iblis, à chaque fois, va essayer de ruser avec lui, mais lui, avec sa connaissance, avec son savoir, parce qu'il connaît Allah, il connaît le messager, il connaît la religion qu'il pratique. Donc plus il a de la connaissance, plus ça devient compliqué pour Shaitan. Et plus la personne a moins de connaissances, plus il peut le faire dévier facilement. Parce que la personne est vulnérable. Sauf ceux dont Allah Azza wa Jalla leur a accordé miséricorde. C'est pour ça qu'il faut demander protection d'Allah Azza wa Jalla tout le temps. Mais les musulmans, c'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte. À chaque fois qu'on dit « A'udhu billah »« A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim » Ça fait partie des premières paroles que le musulman il apprend. Parmi les premières paroles qu'on apprend, même quand on est jeune, les premières paroles qu'on nous apprend dans la religion, c'est de dire « A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim » Beaucoup de musulmans, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils savent dire ça. Depuis qu'ils sont jeunes, on leur a inculqué ça. Leurs parents leur ont inculqué ça. Qu'est-ce que c'est cette parole « A'udhu billahi » C'est la demande de protection contre le Satan lapidé. Parce qu'on a besoin de protection. Et lorsque le meilleur vers qui se réfugier, c'est Allah Azzawajal, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Et si Allah nous protège de Shaitan, de sa ruse, Shaitan ne peut rien faire en fait. Shaitan, lui, ce qu'il fait, c'est juste insuffler le mal. Il suggère. Comme le jour de la rison, qu'est-ce qu'il dira ? Il dira, moi je ne les ai pas forcés, hein, en quelque sorte, avec mes mots à moi. Lui, il fera comprendre que moi je leur ai suggéré le mal. C'est eux qui ont choisi de faire le mal. Lui, même lui, ensuite, il va essayer de s'innocenter. Mais dans tous les cas, il va assaillir l'individu. Et l'individu, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes parfois, avec leur manque de connaissances, ils pensent bien faire et ils font mal. Pas que des jeunes, déjà dans des générations ancestrales. Les gens pensent bien faire, ils pensent se rapprocher du Créateur, en fait ils s'éloignent du Créateur. Regardez dans nos pays par exemple, ils adorent des saints, ils vont chez des sorciers, ils font du mal, ils font des invocations, des implorations. Ce qu'ils doivent vouer qu'au Créateur, ils le vouent à autre qu'Allah Azza wa Jal, mais eux ils pensent que, dans certaines contrées, ils pensent que c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils pensent qu'en implorant à mort, qu'ils considèrent comme un saint, ils sont en train de commettre le plus grand péché dans l'islam, puisque même le prophète, le meilleur des hommes, le prophète Mohammed, on l'invoque pas. On ne lui demande pas ce qu'on doit demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le fait pas pour le prophète. Alors, à plus forte raison, on ne peut pas le faire pour un autre que le prophète. Parce que inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, liman yasha. Parce qu'Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais pardonne en dehors de cela qui il veut. Donc le plus grand péché dans l'islam, le polythéisme. On voit que beaucoup dans nos pays d'origine, beaucoup de gens, de musulmans, donnent des associés à Allah, adorent autre qu'Allah, mais ils pensent se rapprocher d'Allah. Ils pensent bien faire. Qui est-ce qui les a menés vers ça? Shaitan. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un manque de savoir, on est vulnérable. Regardez, je vous donne un exemple sur ce sujet. Si vous êtes en quête de savoir, et donc le musulman doit être en quête de savoir, d'apprendre sa religion. Plus il va apprendre sa religion, plus il va parfaire sa pratique. Parfaire sa pratique. Vous ouvrez un livre. Le musulman, comme elle a dit, il aime lire la biographie du prophète, connaître qui était le prophète, lire des livres sur la croyance, son créateur, se rendre compte des noms, des attributs d'Allah, de la perfection d'Allah, de la puissance de son créateur, que tout ce qui se passe dans cet univers, Allah Azza wa Jalla l'a prédestiné. Alors il aime lire. Il lit dans un livre, par exemple, que dans ce livre, il est dit, par exemple, partisan de la négation d'une partie des attributs, par exemple, il tombe sur un livre où l'auteur du livre dit « Le musulman doit affirmer pour Allah la volonté, l'attribut de la volonté, par contre, pas l'attribut de la miséricorde. » Et il va commencer à développer cela. Si on n'a pas étudié ces sujets-là, la personne avec sa plume et la manière dont il va aborder le sujet, il peut convaincre le lecteur. Parce que regardez ce qu'ils disent. Et c'est là ce que va mettre en avant l'auteur. Pourquoi l'attribut de la volonté, il l'affirme et l'accepte ? Parce qu'ils disent la raison conçoit, peut concevoir cela. Tandis que la miséricorde, regardez qu'est-ce qu'ils disent. L'attribut de la volonté, ils disent, nous l'affirmons pourquoi ? Parce que les preuves scripturaires et rationnelles l'indiquent et le prouvent. Qu'est-ce que les preuves scripturaires ? Les preuves scripturaires, c'est les preuves textuelles. les preuves. Scriptura, comme on l'a appris, c'est les preuves textuelles, c'est-à-dire les textes sacrés. Donc, ils considèrent que les preuves scripturaires, qui sont les preuves textuelles, les textes sacrés, et les preuves rationnelles, c'est lié à la raison, indiquent l'attribut de la volonté. Et donc, ils vont citer, et c'est vrai, est-ce que jusque-là c'est vrai ? C'est vrai, les preuves scripturaires et rationnelles indiquent l'attribut de la volonté. Jusque-là, c'est vrai. Donc, dans le Coran, on voit de nombreux versets indiquent que Allah Azzawajal détient l'attribut de la volonté. Vous ne saurez vouloir sans qu'Allah Azzawajal, par exemple, le veut. Dans un verset, Allah dit « Walakin Allah yaf'alu ma yurid » Mais Allah fait ce qu'il veut. Il est dit dans un verset, dans le verset 253 de la sourate La Vache. 253 de la sourate La Vache, Allah dit « Walakin Allah yaf'alu ma yurid » Mais c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut. Ça indique l'attribut de la volonté. Allah fait ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce que celui qui ne peut pas faire ce qu'il veut, c'est une perfection ou une imperfection ? C'est une imperfection. Et l'imperfection ne peut être en aucun cas attribuée au Créateur. Donc le fait de pouvoir vouloir, c'est une perfection. Donc vous voyez, aussi bien les preuves scripturaires et rationnelles prouvent la volonté d'Allah Azzawajal. Donc jusque-là, c'est clair. Et jusque-là, ils ont raison d'affirmer l'attribut de la volonté et que les preuves et que la volonté s'est indiquée aussi bien dans les preuves scripturaires et rationnelles, c'est vrai. Taïb. Wanafu ar-Rahma. Donc l'auteur ici ensuite va mettre en avant leurs preuves textuelles et rationnelles pour dire qu'ils affirment la volonté. Mais au sujet de la miséricorde, ils disent non. La miséricorde, ils l'ont niée. Pourquoi ? Parce qu'elle implique quelque chose pour eux. Elle implique la douceur et la compassion. La mansuétude, la douceur et la compassion de celui qui fait miséricorde par celui à qui, pour celui à qui on fait miséricorde. Et ça, en aucun cas, ils veulent croire cela pour le Créateur. Ils disent, la miséricorde, ça implique quoi ? Ils disent, la miséricorde, ça implique de la compassion pour celui à qui on fait miséricorde, de la douceur, l'in. Et ils disent au sujet du Créateur, on ne peut pas affirmer cela. Donc, il nie l'attribut de la miséricorde. Vous avez vu, c'est un argument rationnel. C'est leur manière de philosopher, leur spéculation propre. Leur spéculation propre à eux. Je vais vous traduire comment cela est dit, Inch'Allah. Ils ont nié la miséricorde parce que selon eux, elle suppose la douceur de celui qui est miséricordieux et sa bienveillance envers celui à qui il fait miséricorde. Or, cela est impossible lorsqu'il s'agit d'Allah. Ça, c'est leur pensée à eux. Donc là, vous avez vu, ils font différence entre eux, la volonté et la miséricorde. Donc, maintenant, comment vont-ils faire ? Comment vont-ils faire ? Vous allez vous poser la question, c'est-à-dire, comment vont-ils faire ? Comment vont-ils faire quoi ? Maintenant, ils vont devoir faire quelque chose. Comment vont-ils faire avec tous ces textes, tous ces versets du Coran, tous les hadiths, où Allah nous dit qu'il est le Ar-Rahim, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Traduction relative. Hein. Comment vont-ils faire ? Parce que tous les versets où Allah Azza wa Jal se décrit, nous informe qu'il est le tout miséricordieux, qu'il est Ar-Rahman, qu'il est Ar-Rahim. Bien sûr, lorsqu'on traduit en français, c'est un mot que les gens peuvent comprendre en français, c'est juste pour se rapprocher. Là, on ne rentre pas dans les détails du mot, dans l'étymologie, dans la linguistique du mot. Parce que c'est vrai que le terme miséricorde, si on rentre vraiment dans l'étymologie et la linguistique dans le terme en français, ça demande réflexion. Donc on le dit d'une manière générale, selon le sens connu des gens de notre époque. On ne va pas dans le sens historique et la racine même du terme, parce que si on va dans la racine et le mot, dans l'exactitude du mot et dans l'étymologie du mot, ça demande réflexion. On dit d'une manière relative ce mot-là selon la compréhension des gens de notre époque. La miséricorde, le fait de faire clémence. De nombreux versets prouvent cela. De nombreux hadiths du prophète s'en prouvent cela. Comment vont-ils faire? Comment, dans leur méthodologie, vont-ils faire? Arsène, ils vont devoir avoir recours à l'interprétation. Ils vont interpréter. Pourquoi? Parce qu'ils vont nier la miséricorde. Or, de nombreux textes, Allah Azza wa Jal parle de sa miséricorde. Donc, ils vont devoir... وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل وفسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont interpréter. Donc on va leur dire, d'accord, vous affirmez pas l'attribut de la miséricorde, mais alors tous les versets Ar-Rahman, Ar-Rahim, de là ils vont interpréter. Ils vont dire non, en fait le sens du tout miséricordieux, ils vont le lier à l'acte. Ils vont dire, le tout miséricordieux, c'est-à-dire celui qui veut faire miséricorde. Ils vont l'interpréter. Et ils vont lier cela à la volonté. À la volonté d'être bienveillant et de faire miséricorde. Ils vont lier ça à la volonté. Donc, ils vont interpréter. Ils vont interpréter. Mais comme on l'a appris précédemment, pour l'auteur du livre et beaucoup de savants, ils considèrent que l'interprétation, en fait, c'est nier. C'est nier. Donc l'auteur va dire « Fanaqulu lahum ». Et là, à ce moment-là, eux, lorsqu'ils disent « Non, en fait, lorsque dans les versets, il dit « Le tout miséricordieux », c'est dans le sens que celui qui veut faire miséricorde. « Fanaqulu lahum ». Là, maintenant, l'auteur va répondre à cette conception. Il va répondre à ça, il va dire « Nous leur disons. » Là, il va débattre. Maintenant, on va voir la réponse. Regardez, elle est très pertinente. Il va dire, nous leur disons. فَنَقُولُ لَهُمْ الرَّحْمَةُ ثَابِتَةٌ لِلَّهِ تَعْلَى بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ وَأَدِلَّةُ ثُبُوتِهَا أَكْثَرُ عَدَدًا وَتَنَوَّعًا مِنْ أَدِلَّةِ الْإِرَادَةِ. Dans un premier temps, regardez ce que va dire l'auteur. Après l'observation du Coran, les savants ont déduit que l'affirmation de l'attribut de la miséricorde est plus abondant dans le Coran que l'affirmation de l'attribut de la volonté. C'est-à-dire que si vous ouvrez le Coran, vous observez le Coran, il y a plus de passages où il y a l'affirmation de la miséricorde du Créateur que l'affirmation de la volonté. Déjà dans un premier temps. Donc l'auteur dit, l'affirmation de la volonté d'Allah Azza wa Jal par son nom, Ar-Rahman, Ar-Rahim, wa Rabbuka al-Ghafuru, Zou Ar-Rahma, dans d'autres versets, il est dit, et votre Seigneur est le grand pardonneur, celui qui détient Ar-Rahma. Et dans d'autres versets, Yarhamu man yasha, Allah dit, et il fait miséricorde, traduction relative et rapprochée, à qui il veut. De nombreux passages du Coran, Allah Azza wa Jal fait allusion à sa miséricorde. Et ces passages-là, liés à la miséricorde, l'affirmation de la miséricorde, les passages sont plus nombreux que l'affirmation de la volonté. Or, ils acceptent la volonté, mais pas la miséricorde. Alors que la miséricorde, elle est confirmée. Et plus confirmée que l'attribut de la volonté. C'est-à-dire qu'il y a plus de passages qui font allusion à la miséricorde. Et il dit, donc ça, c'est par rapport aux preuves scripturaires. Les preuves scripturaires, c'est-à-dire les preuves textuelles dans les textes. Mais aussi, il dit... Même au niveau maintenant, si on vient au rationnel, la raison humaine, on voit que la raison humaine, au contraire, indique l'attribut de la miséricorde pour le Créateur. En aucun cas, il y a la négation de, si on prend les arguments rationnels, au contraire, la raison humaine, eh ben, indique la miséricorde. Il dit, en ce qui concerne les preuves rationnelles, il dit, وَيُمْكِنُ إِثْبَتُهَا بِالْعَقْلِ فَإِنَّ النِّعَمَ الَّتِي تَتَرَى عَلَى الْعِبَادِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ وَالنِّقَمَ الَّتِي تُدْفَعُ عَنْهُمْ فِي كُلِّ حِينَ دلة على ثبوت الرحمة لله عز وجل ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة ولظهور ذلك لخصة والعمة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. Regardez ce qu'il va dire l'auteur, c'est très pertinent. Ensuite il dit, donc ils ont interprété les arguments scripturaires qui attestent sa miséricorde jusqu'à dire que c'est l'acte ou la volonté de l'acte. Ils ont expliqué Ar-Rahim, comme on l'a dit précédemment, en disant que c'est celui qui accorde les bienfaits. Pour eux, lorsqu'il est dit le tout miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est celui qui accorde les bienfaits. C'est celui qui veut accorder les bienfaits. Ils l'ont interprété de cette manière. Il dit, nous leur disons que la miséricorde est confirmée à Allah le Très-Haut par les arguments scripturaires. Ces arguments sont bien plus nombreux et variés que les arguments en faveur de la volonté d'Allah. Ainsi, la miséricorde est mentionnée en tant que nom, comme dans le verset suivant, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et aussi, elle est mentionnée en tant qu'attribut, comme dans le verset qu'on a dit tout à l'heure, ton Seigneur, le tout pardonnant qui possède la miséricorde. Vous avez vu, la miséricorde aussi bien, elle est affirmée dans le Coran par le nom, Ar-Rahman, Ar-Rahim, mais aussi bien l'attribut est cité. Zou Ar-Rahma, celui qui détient la miséricorde. Donc aussi bien le nom et l'attribut est mentionné dans le Coran. Et c'est pour ça qu'ensuite il va dire, il est possible que la miséricorde soit confirmée par la raison. En effet, regardez, maintenant il cite l'argument rationnel. Les bienfaits qui affluent sur les serviteurs de toutes parts et les malheurs qui sont repoussés loin d'eux, à tout moment, sont une preuve confirmant la miséricorde d'Allah. Regardez, si maintenant on regarde l'argument rationnel, et là on va prouver que leur conception est fausse. Eux, ils pensent que les arguments rationnels indiquent la négation de la miséricorde. En fait, si on observe bien, le rationnel, les arguments rationnels indiquent justement la miséricorde. Regardez dans cet univers. Tout ce qu'Allah Azzawajal a octroyé comme bienfait aux hommes, tous ces bienfaits qu'on jouit chaque jour, tout cela, est-ce que ça ne prouve pas la miséricorde de ce Créateur, de celui qui a créé cet univers et ce monde? Tous les bienfaits qu'Allah Azzawajal octroie. Malgré que, regardez, il y a des êtres humains qui ont nié le Créateur, qui ne croient pas en lui. Mais malgré tout, Allah Azzawajal fait descendre la pluie. Malgré tout, on voit que les gens peuvent jouir des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces bienfaits spécifiques et ces bienfaits d'une manière générale. Donc, est-ce que cela ne prouve pas la miséricorde du Créateur subhanahu wa ta'ala? Donc, on voit bien que même d'une manière rationnelle, si la personne revient à sa raison, il verra que ça prouve que le Créateur est miséricordieux. Il dit, pour cela, regardez, il dit, quant à la négation de la miséricorde, sous prétexte qu'elle implique douceur et bienveillance, c'est-à-dire pour eux, regardez, ceux qui ont nié l'attribut de la miséricorde, si vous trouvez ça dans certains livres, d'une part, ils acceptent l'attribut de la volonté, mais ils nient l'attribut de la miséricorde. Et les savants, c'est là qu'ils vont expliquer, c'est contradictoire. Et lorsque vous regardez dans le débat, pourquoi ils nient la miséricorde? Pourquoi leur argument, c'est que la miséricorde, pour faire miséricorde à quelqu'un, ça nécessite de la douceur. Ça nécessite de la bienveillance, de la compassion pour celui à qui on va faire miséricorde. Et ça, ils se refusent d'affirmer cela au Créateur. Donc pour cela, comme ils ont dit que la miséricorde, ça nécessite l'in, et ça nécessite donc de la douceur, de la compassion, alors ils ont dit, on ne peut pas l'affirmer pour le Créateur. Et donc de cela, ils ont dit, ils ont nié la miséricorde. Et donc, ils l'ont interprété par le fait de vouloir accorder le bienfait. Ils l'ont interprété, pour certains, de cette manière. Donc, regardez, là, vous allez mieux comprendre. Quant à la négation, donc ça, c'est à la réponse, si vous posez la question, mais pourquoi il nie l'attribut de la miséricorde? C'est pour cette raison. L'auteur dit, quant à la négation de la miséricorde, sous prétexte qu'elle implique douceur et bienveillance, donc vous avez vu, l'auteur fait allusion à ça. Alors prétexte, si vous vous posez la question, mais pourquoi nie-t-il la miséricorde par rapport à cela? Parce que ça nécessite telle et telle chose. Alors il dit, on peut y répondre. Comment répondent les grands savants musulmans de la sunna? Comment on peut y répondre? Il dit, on peut y répondre de la manière suivante. Si cet argument était juste, il aurait été possible de nier la volonté avec un argument similaire. Dans le sens, le cheikh dit, si on va dans ce sens-là, on va dans ce sens-là, donc pourquoi il nie la miséricorde? Souhaib. Parce que ça nécessite que celui qui fait miséricorde, il faut qu'il ait en lui de la douceur, de la bienveillance pour celui à qui va faire miséricorde. Et ça, ils se l'interdisent au sujet d'Allah. Ils disent c'est impossible, on ne peut pas affirmer ça pour Allah. L'auteur dit d'accord, si on va dans ce sens-là, alors l'attribut de la volonté aussi, il faudrait le nier. Si on va dans ce sens-là, pourquoi il dit l'attribut de la volonté aussi, il faudrait le nier? Parce qu'il dit, regardez, la volonté consiste, pour celui qui veut, à tendre, écoutez bien, vers la chose par laquelle il espère réaliser un profit et repousser une nuisance. Quand on veut quelque chose, c'est-à-dire on veut la réalisation de quelque chose, ou bien on veut quelque chose, c'est-à-dire on veut l'intérêt qu'il y a dans cette chose qu'on veut. Et l'inconvénient qu'il y a dans cette chose, on veut, on ne le veut pas, on veut qu'il soit repoussé. Vous comprenez jusque-là? Regardez, la volonté. L'auteur nous explique que la volonté, c'est quoi? Lorsqu'on veut quelque chose, on, quelque part, on convoite l'intérêt qu'il y a dans cette chose, on veut le bienfait de cette chose. Par contre, l'inconvénient de cette chose, ça, on ne le veut pas. Donc, d'un certain égard, regardez ce qu'il dit, la volonté consiste, pour celui qui veut, à tendre vers la chose pour laquelle il espère réaliser un profit. Il espère l'avantage de cette chose. Ou repousser une nuisance. Ce qui implique, ça implique quoi? Donc, que celui qui veut a besoin de ça. Donc, on pourra dire, or, pour Allah, on ne peut pas concevoir cette chose. Donc, si on va dans leur sens, de la même manière qu'ils ont né la miséricorde, si on va dans leur sens, parce que celle-ci nécessite d'avoir en soi l'in, la douceur, la bienveillance, et ça, on ne peut le concevoir pour Allah, alors les savants disent, de même, on peut dire cela pour la volonté qu'ils ont affirmée pour le Créateur. La volonté aussi consiste, dans un certain égard, si on va dans ce sens-là, de vouloir une chose, c'est-à-dire que celle-ci consiste pour celui qui veut à tendre vers la chose par laquelle il espère un profit. Et donc cela implique que pour celui qui veut, le besoin. Or, cela on ne peut l'affirmer pour Allah Azza wa Jal. Et donc regardez, ensuite l'auteur dit, si on répond en disant que cette volonté est celle de la créature, il est possible de répondre de la même manière en ce qui concerne la miséricorde. Qu'est-ce qu'il veut dire l'auteur par là? En fait, écoutez bien, et là on va tout comprendre. Mais je pense déjà vous avez compris. Mais là on va mieux comprendre. L'auteur nous dit ensuite, en fait, cette conception qu'ils ont de la miséricorde, c'est-à-dire que, oui, cette miséricorde consiste d'avoir de la douceur, de la bienveillance pour celui où on va faire miséricorde et autres, et eux, ils se sont interdits d'affirmer cela. Parce que c'est comme s'il y a un besoin. Or, l'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça, c'est la conception de la chose pour la créature, pour les êtres humains. Les êtres humains, oui, ont besoin. C'est une nécessité pour eux, cela, pour faire miséricorde. La volonté d'eux-mêmes, la volonté, ça consiste à ce que l'auteur a cité précédemment. Mais ça, c'est pour les êtres humains, pour les créatures, pas pour le créateur. Allah, rien n'est semblable à lui. Allah fit miséricorde. Est-ce que l'être humain peut faire miséricorde? Il peut faire miséricorde? Sûr. L'être humain peut faire miséricorde? Eh, Naram, oui. L'être humain peut faire miséricorde. La preuve, c'est qu'Allah, dans le Coran, il nous dit pour le couple, pour l'homme et la femme, Allah dit qu'il a mis deux choses chez l'homme et la femme dans le couple. Il dit qu'il a mis al-mawadda wa al-rahma. Donc, pour l'homme et la femme dans le couple, Allah dit qu'il a mis, entre les deux, de la mawadda, de l'affection, wa ar-rahma, et de la miséricorde, de la compassion, si vous voulez. Donc de l'affection et de la miséricorde. De sorte que même les savants, dans l'explication de ce verset, ils ont dit que pour un homme et une femme, dans un couple, il faut les deux choses. Il faut de l'affection et de la miséricorde. De sorte que si, ensuite, il y a un manquement dans l'affection, dans le couple, il restera quoi ? De la miséricorde. De sorte que l'homme, lorsqu'il a un manque, par exemple, il y a une diminution d'affection pour son épouse, ou à l'inverse, par contre, le croyant aura de la miséricorde. Et cela nécessite quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'il ne fera pas preuve d'injustice. Il ne sera jamais injuste. Il ne sera pas injuste. Parce qu'il a rahma. Donc c'est faux de dire, quand certains disent, par exemple pour se séparer, parmi les causes de séparation, lorsque on leur dit, mais pourquoi voulez-vous séparer ? Alors là, soit la femme ou l'homme, ils viennent et nous disent, bah, je ne ressens plus rien pour lui. J'ai plus rien pour lui. Ça c'est naram, ça c'est le mawadda. C'est le côté affection. Je ne ressens plus rien pour lui. Mais Allah a mis deux choses. Il n'y a pas que de l'affection. L'amour. Quand on dit affection, c'est-à-dire le mawadda, l'amour. L'amour, ça, des périodes, ça augmente, des périodes, ça diminue, ça peut partir, ça peut venir, etc. Selon les circonstances et selon les périodes. Par contre, Allah Azza wa Jal dit qu'il y a une deuxième chose. Il a mis deux choses. La miséricorde. Ar-Rahma. De sorte que si on est dans une période où le mawadda, l'affection et l'amour, ça a diminué, c'est très bas, il reste de la miséricorde. On a de la compassion pour la personne. On a de la compassion pour la personne. Mais bon, le sujet, il est long, sinon on va s'étendre, on va ouvrir une trop longue parenthèse pour qu'on puisse terminer. Alors, c'est pour cela que l'être humain, c'est prouvé dans le Coran, il a de la miséricorde. Sauf que l'être humain peut faire miséricorde, mais en aucun cas c'est comparable au Créateur. Notre conception, elle est limitée. Allah fait miséricorde, mais pas comme les êtres humains font miséricorde. Allah laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Et ça, c'est notre croyance, pour ça que c'est très important. Allah fait miséricorde. Cette miséricorde qu'Allah, Azza wa Jal, fait, Allah yarham, c'est incomparable avec la miséricorde de l'être humain. C'est pour cela, celui qui juxtapose et qui s'imagine la miséricorde du Créateur en la comparant à la miséricorde humaine, de là on voit que sa conception sera erronée. Et de là la conception erronée. Le fait d'affirmer la volonté et d'avoir nié la miséricorde, c'est qu'ils ont une mauvaise conception de la miséricorde. Ils ont pensé que la miséricorde du Créateur était, s'ils affirmaient la miséricorde, que la miséricorde du Créateur serait similaire à la miséricorde de la créature. Or, c'est faux. Pour ça, regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit. Si on répond en disant que cette volonté est celle de la créature, il est possible de répondre de la même manière en ce qui concerne la miséricorde, qui implique l'imperfection et celle de la créature. Donc, lorsqu'il y a imperfection, c'est pour la créature. C'est ainsi que devient, regardez ce que va dire l'auteur, c'est ainsi que devient évidente la fausseté de la doctrine des partisans de la négation, aussi bien générale que particulière. Ceux qui nient d'une manière générale, ou ceux qui nient d'une manière particulière, ils affirment certains attributs et nient une autre partie d'attributs. Ainsi, l'auteur dit que leur argument est faux. Regardez ce qu'il dit. Et c'est ainsi que l'on sait que la voix de l'Ash'a'ira ou al-Maturidiyya concernant les noms et les attributs d'Allah, ainsi que leurs arguments en la matière, ne peuvent repousser les arguments spéciaux ash-shubuhat, les ambiguïtés des mu'tazilites et des jahmites. Et cela pour deux raisons. Je pense qu'ensuite, cela, on va laisser pour l'assise de demain, Inch'Allah. Si on a compris cela, déjà, cette chose-là, l'auteur, en fait, nous enseigne que comme ils ont affirmé l'attribut de la volonté, alors, de la même manière, ils peuvent affirmer l'attribut de la miséricorde. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك وبارك الله فيكم.